sonore en spirale fuyait sous ses pieds. La police de la pensée avait pris le contrôle de son esprit. Une horrible sensation l'avait pénétré. Sa tête ne cessait de tourner. son cerveau allait imploser. Thank you.

de la neige, de la tôle, du crack, de la méthadone, de la vaseline en excitant un bandeau alors, de l'aspirine, du sirop pour la toux, de la pommade vite, un bonbon à la menthe.